Section 1 de Promenade japonaise par Émile Guimet, lu par Christiane Johan. Chapitre 1 First Impressions. Lorsqu'après 23 jours de traversée, on entrevoit les terres japonaises dessinées dans les brumes du matin, leurs silhouettes étranges, une double émotion envahit l'âme. Au plaisir bien légitime d'arriver au port, vient s'ajouter la joie de toucher enfin à ce pays presque fantastique que le XVIIIe siècle nous a fait deviner sur des lacs, des paravents, des porcelaines et des ivoires, et que les récents événements politiques, les nouveaux moyens de locomotion, ont tout d'un coup mis à notre portée. Si depuis quelques années le Japon s'est laissé envahir par les idées et les produits des peuples qui se prétendent civilisés, il a riposté avec vigueur en nous envoyant à profusion ses bronzes, ses faïences, ses peintures, ses joujoux et même ses jeunes indigènes qui viennent avec ardeur s'initier aux progrès nouveaux. Le navire américain l'Alaska qui nous a amenés de San Francisco a parmi ses passagers trois Japonais qui sont allés en Amérique prendre leur brevet d'ingénieur. Ils sont depuis l'aurore sur le pont du bateau, attentifs comme nous, plus que nous sans doute, au panorama lointain que les îles du Japon déroulent à l'horizon. Peu à peu nous entrons dans la baie d'Yedo. À droite et à gauche, de hautes falaises blanches, bizarrement découpées, nous font apparaître le Japon tel que nous l'avons rêvé. La verdure festonne les collines et forme çà et là comme des croûtes de végétation. Les grands pins couronnent les hauteurs de leurs contours mouvementés, formés de lignes verticales dans les tiges et horizontales dans les branches. Paysage à coups de pinceau qui se découpe sur un ciel violet et se reflète dans les eaux bleues. Il pleut. Les grandes jonques que nous croisons sont montées par des hommes tout nus qui évitent par là de mouiller leurs vêtements. Leurs chevelures arrangées à la japonaise et la petite étoffe bleue et blanche qui leur sert de coiffure indiquent suffisamment leur nationalité. Çà et là, des barques de pêcheurs, toujours à deux, une grande à côté d'une petite, font croire à une sorte de mirage qui dédouble les objets et donne deux contours, deux voiles, deux sillages, mais dont l'un est le diminutif de l'autre. Peu à peu, les sampangs, des hôtels, entourent le navire et des barques de tout format viennent chercher les marchandises. Les hommes qui ne sont pas nus ont des blouses bleues à grands dessins blancs ou des vêtements de paille, chauds mais rissés, qui garantissent parfaitement de la pluie et donnent à l'individu qui le porte un faux air de porc-épic. Mais quelle est cette vision antique qui apparaît sur le pont du bateau ? Un groupe de jeunes Romains s'avance avec dignité. Ils sont vêtus de la longue robe latine, ils ont les cheveux coupés à la Titus. Leurs traits sont fins, délicats et purs, rien d'asiatique dans leur physionomie, ce sont bien les fils de Brutus que nous voyons venir à nous. Ce groupe échappé des œuvres de Cicéron se dirige droit vers nos compagnons de voyage japonais et les jeunes Romains s'inclinent devant les ingénieurs mongoliques jusqu'à ce que leurs mains touchent leurs pieds nus. Ces sénateurs en herbe sont les domestiques de nos Japonais. Pourquoi les maîtres sont-ils si laids et les serviteurs si beaux ? Premier problème, nous en rencontrerons bien d'autres. Il faut pourtant s'occuper de ces bagages, mais la pluie gêne beaucoup. On laisse passer les plus pressés et l'on attend dans l'entrepont, assis sur ses malles. Les jeunes Japonais se sont campés sur les colis de leurs maîtres avec des attitudes de bas-relief. La grâce des plis, la fermeté des contours, la pose des bras nus, des pieds croisés, des têtes inclinées, l'harmonie des formes qui se combinent avec les étoffes, tout rappelle les beautés graves de l'antique sculpture. Je ne m'attendais pas à avoir sur un bateau américain en vue d'un port de l'Extrême-Orient une si vive hallucination de souvenirs classiques. Non sans difficulté, nous nous introduisons dans la cabine minuscule du sampang du Grand Hôtel et quatre rameurs à la godille nous amènent rapidement au bâtiment de la douane. Les bateliers poussent des cris cadencés pour se donner du courage et pour obtenir un mouvement régulier. Les avirons placés dans le sens du bateau tournent et oscillent sur le pivot qui les retient, de sorte que, soit par le balancement d'avant en arrière, soit par la rotation imprimée par la main, la palette de la rame reproduit exactement le coup de queue des poissons. Les oscillations alternes des rameurs rappellent à la longue le va-et-vient des crochets d'une machine à tricoter. Les mains fines et gracieuses semblent ne produire aucun effort, et leurs mouvements relevés donnent plutôt l'idée d'un joueur de castagnette que d'un rude batelier. À la douane, on paraît beaucoup plus préoccupé de vérifier si nous avons des papiers compromettants que de constater si nous entrons de la contrebande. Du reste, le douanier qui ne sait lire que le japonais perd tout à fait son temps, et le nôtre, à feuilleter nos lettres et nos journaux. À l'hôtel, les serviteurs sont très nombreux. Habitude asiatique. Ils ne paraissent pas travailler énormément, mais tout ce qu'ils font est fait avec soin. Je suis frappé de trouver parmi eux des ressemblances avec les figures que j'ai l'habitude de voir en France. Suis-je donc venu au Japon pour faire connaissance avec la race de Neuville-sur-Saône ? Iconographie. Les bateliers poussent des cris cadencés pour se donner du courage et pour obtenir un mouvement régulier. Les avirons placés dans le sens du bateau tournent et oscillent sur le pivot qui les retient, de sorte que, soit par le balancement d'avant en arrière, soit par la rotation imprimée par la main, la palette de la rame reproduit exactement le coup de queue des poissons. Page 14. Le chemin longe un canal peuplé de barques et de bateliers. Page 17. Fin de la section 1.